parai. Fils à papa, deviendra roi, c'est un vice à sens unique, aux aspects démocratiques. Hubert Valéry ne dérange pas à la règle, petit poussin piteux se voit déjà un aigle. Il méprise le bon sens et la compassion, voue un culte à l'église et son père le baron. Hubert Valéry, prince des mondains, Hubert Valéry, despote du monde. Tu ris à mon travail, on va violer ta mère. C'est tout pour un héros, tu finis.